cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Intahayna bi darsina al-akhir, dans notre dernier dars, on a fini ensemble, walillahi alhamd, al-rad ala haoula al-mushrikeen, Allez, on a fini la réponse, la réfutation générale globale contre Ha'oula Ad-Dullal. Et il a cité comme exemple, rahmatullah alayhi, fi hadhihi ar-risala an-nafi'a, ash-shafa'a. Wa hadha, inshallah, sayati ma'ana al-yawm. C'était un exemple, faqat. وإلا فلا ريبونس ان لا ريبونس جينيرال الرب من حيث الاجمال ان هؤلاء يستدلون بايات مجملات متشابهات اي دلس المحكم الواضح فالحقيقه يسويف لو باسيون وهذا شان جميع اهل الاهواء انهم يبخن من النصوص من الادله les arguments par rapport au passion. Quand ils pensent que ce dalil, il est en leur faveur, ils le citent. Des adillas clairs, ils savent très bien que ça répond à leur ambiguïté et ils les négligent. Ou ils les rejettent, iyadam billah. Jami'u ahli al-ahwa, que ce soit al-mushrik ou al-mubtadi' ou al-munharif, ils sont tous d'accord sur un point, naum, ils suivent tous leur passé. Al-hada al-muwaffaq, celui qui veut le khayr, celui qui veut avancer dans son din, falyihdhar min al-hawa. Il fait attention au suivi des passions. Limadha li'anna avec al-hawa, iyadan billah, tu pourras comprendre un nos, et la preuve, l'argument, que ce soit un dalil min al-Qur'an ou min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec al-hawa, iyadan billah, ba'd al-nas, il déforme ce dalil, ça devient une preuve pour eux. Alors que ce n'est pas une preuve. Abadan. La révélation, ça ne peut pas être une preuve pour appuyer un égarement. Abadan. Lakin hum, avec le hawa, ils l'expliquent comme ils veulent hum. Falihala hatta vi al-shirk billahi azzawajal, le plus grand péché. Bilijma' kama akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils lui ont demandé sur les grands péchés, il a répondu al-ishraku billah, le premier. C'est le plus grave, al-shirk. حتى في هذا الباب الخطير تجدهم أنهم يسيد أدلة pour appuyer leur regardement. Pourquoi? Les patients, عياذا بالله. لأنهم ne veulent pas délaisser هذا الشر. Et c'est devenu une passion pour eux. Et ils essayent de trouver des arguments qui montrent أنهم ils sont à la حق. Et à partir d'aujourd'hui, بإذن الله عز وجل ونسأله التوفيق, on commence la réfutation de ces chouvas min hayth at-tafsil, ay en détail. Il va citer plusieurs chouhat, n'am, une quinzaine. Et rahmatullah alayh, il a répondu à ces ambiguïtés fi at-tawhid avec des réponses très simples. En résumé, hadha al-kitab fihi khayr 'azim. Qala rahimahullah, wa amma al-jawab al-mufassal, أي أبخي أبخ ستة الجواب الغير المفصل المجمل, نعم, أما المجمل أي لا ستة ثم المفصل. قال فنقول جواب أهل الباطل من طريقين, مجمل ومفصل. فالمجمل سبب الإجمال أي quelque chose qui n'est pas détaillé, et المفصل quelque chose qui est détaillé. On dit مثلا répond بالتفصيل, أي en détail, en argumentant en détail. قال وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. أعداء الله les ennemis de l'islam, que ce soit les يهود أو النصارى أو المشركون bien sûr, لهم اعتراضات كثيرة, صحيح أنهم tu les trouves, ils ne sont pas d'accord avec Rasul, avec Dine Rasul, dans plusieurs points. Que ce soit fil Tawhid, que ce soit fil Aqidah, que ce soit l'akhlaq ou l'ibadat ou l'wajibat, tu trouves al-munharif da'iman ila mitla hadhihi al-i'tiradat. Limada? Li'anna, pour ne pas avoir cette maladie, iyadun billah, i'tiradat, on peut traduire, ils sont jamais d'accord. Da'iman ya amme. Mais pourquoi? Mais si. Hakada ahlul ahwa wa ahlul kufr wal bid'ah. Pourquoi hadhihi al-i'tiradat ala din ar-rusul? لأن celui qui veut avancer في دين الله عز وجل لا بد من استسلام وانقياد سمعنا وأطعنا. Mais celui qui cherche عياذا بالله دائما à contredire, il est jamais d'accord. Et ça, en fait, c'est une éducation. Ils sont jamais d'accord. دائما ils essayent de trouver une faille. Et دين الله سبحانه وتعالى est parfait, il est complet. Celui qui veut avancer khassadan fi hadha al-bab al-muhim al-tawhid wa al-aqida, il fait attention à cette maladie. Daiman, pourquoi? Mais là, sam'un wa ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de l'adorer seul, on l'adore seul. Il nous a interdit de faire du shirk, on s'éloigne du shirk. Et on avance. Amma haoula i'tiradat kathira. Mais pourquoi? Mais c'est un wali, mais on demande que shafa'a ila akhri. Alors que al-anbiya wa al-rusul, ils ont tous appelé à cette voie à tawhid et ils ont mis en garde contre le shirk. Et هذه الاعتراضات كذلك منشأها العقل. Ceux qui ne se soumettent pas au texte du Coran et de la Sunna et qui font fonctionner, ils font passer la raison avant les textes, là, chacun, beaucoup de choses pour eux, en apparence, ça se contredira. Ils auront beaucoup de questions. Tu auras beaucoup de mal à les convaincre. Les ma'adhal et anna la raison. Et t'as le moun anna l'aql. لابد أنه كذلك يسسمه. أما celui qui fait rentrer la raison vive à l'i'tiqad, فعياذا بالله, c'est une porte d'égarement ouverte. فمثلا, est-ce que la raison, elle peut comprendre ou connaître la description des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? أبداً. Ça fait partie du monde de l'invisible. فكيف هذا العقل il va comprendre? Il ne peut pas. On connaît le sens, لكن le comment, on ne peut pas. أهل البدع والزنادقة من جهمية ومعتزلة ils se sont égarés في باب الاعتقاد. لماذا؟ لأن pour eux les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'ils ont fait fonctionner la raison, pour eux les attributs d'Allah azza wa jal, c'est forcément comme les attributs de l'être humain. لماذا؟ لأن sa raison elle pense que les mains c'est forcément comme les mains de l'être humain. Quand هؤلاء ils ont su que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bal yadahu mabsutatan. Allah il a deux mains. Bah, quand ils ont lu ce verset, ils ont fait passer la raison avant les textes. Bah, ils ont dit que deux mains, ça veut dire que c'est comme des mains des créatures. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Imma, ils ont rejeté iyadun billah al-jahmiya. Imma, ils ont déformé al-ashaya. Amma sunni, il dit quoi? Ahl sunna, ils disent sami'na wa ata'na. Allah il a dit qu'il a des mains, il a des mains. كذلك الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a des mains et ses mains ne ressemblent pas aux mains de la créature. Alhamdulillah. Et tu te soumets et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. أما هؤلاء اعتراضات كثيرة. Si tu dis qu'Allah il est au-dessus, ça va impliquer كذا. Si tu dis qu'Allah il a de la rahma, de la miséricorde, ça va impliquer telle chose, de la faiblesse, il a akhir. Ils ont rejeté tous les noms et tous les attributs. Matalan al-Jahmida. Et certains, ils ont rejeté certains attributs, comme on a détaillé, walillahi alhamd, dans nos durus sur les sectes. Tout ça pour vous montrer ce point, il est important. Aïe, hadhihi al-i'tiradat, aïe, ne jamais être d'accord, toujours vouloir contredire, iyadan billah, s'écarter, s'égarer, délaisser la voie des rasouls, il y a des causes. Et parmi les principales causes, bien sûr, l'ignorance et le suivi des patients. Iyadan billah. قال منها قولهم. Et parmi ces choses sur lesquelles, iyadan billah, ils se sont égarés et ils ont délaissé la voie des prophètes et des messagers, قولهم, qu'est-ce qu'ils ont prétendu, هؤلاء المشركون? Et ça, c'est la première choubha. Et parmi les choubha détaillées, parmi les ambiguïtés que Cheikhoul Islam a répondu en détail, celle-ci, c'est la première. قال قولهم نحن لا نشرك بالله. بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب. هذا كلام المشرك، يدي أنا مذنب أي جي بوكو دو بيشي، والصالحون لهم جاه عند الله، أي تقدم معنا الجاه أي منزلة، إذن أخوان إلوي عند الله لزام إلى آخره. قال هذا المشرك وأطلب من الله بهم. دونك سيد شبهة أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله، أي ديز نو نا با في دو شرك، بل يتيموان إيز أفيرم إيز لا كرويونس أن الله سيلوي لو كخاف، أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner, qui peut retirer, qui peut guider, qui peut égarer, qui crée, qui gère ce monde. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك témoigne أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. Et كذلك ils reconnaissent et ils ont la croyance أن النبي صلى الله عليه وسلم c'est un نبي, c'est un رسول. Et كذلك أنه c'est un بشر. فلهذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم il peut pas donner ou retirer. لا c'est un عبد parmi les serviteurs d'Allah سبحانه وتعالى. فضلا عن عبد القادر. عبد القادر c'est un ولي. عبد القادر الجيلاني. Et son قبر يعبد من دون الله عز وجل. أو غيره. أي pour montrer أن autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont la conviction أنه ce mort il donne pas, il crée pas, il guide pas إلى آخره. لكن pourquoi il lui demande؟ C'est ça la question qu'on se pose نحن malgré cette reconnaissance. لهذا il faut دائما demander à Allah عز وجل الثبات والعافية. La guidance بيد الله عز وجل. انظروا ils ont reconnu et ils ont la croyance أن الله c'est le créateur. أن le prophète محمد صلى الله عليه وسلم il appelle au حق. Et c'est un Nabi, c'est un Rasoul. Et كذلك, il peut pas guider ou égarer, il a akhiré. Et كذلك, l'awliya, ils ont cette croyance sur eux. La question qu'on peut se poser, falimada, vous leur demandez. Falimada, vous visitez leur tombe et vous faites du shirk. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ana mudnib. Lakin, ana mudnib. Vous avez vu, al-i'tirab, c'est avec ce genre de mot, lakin, mais. هكذا أهل الشر وأهل الانحراف. الكفار والمبتدعة tu trouveras souvent même le حق qui reconnaissent tu trouveras souvent après yamme. Pourquoi tu ne suis pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi tu ne t'écartes pas de cette bid'a? Il va te dire naam rasoul c'est haq, je sais que cela c'est bien, mais dans mon pays ils font mais, mon père il a dit mais, un tel il dit. هكذا. Ce mais fait attention. Là tu reconnais Allah en tant que créateur, tu reconnais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé au haq, adore Allah seul. لماذا؟ لأن الكرياتور يجب أن تتخ أدوري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فلماذا ديغم؟ لكن أنا مذنب. أي أنا جو في دي بيشي. هذا سي حال الناس. كلكم خطاؤون قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو كما جاء في الحديث. كلكم خطاؤون. Vous faites tous des péchés. وفي الحديث الآخر إنكم تخطئون بالليل والنهار. Vous faites des péchés nuit et jour. Ça c'est une sifa lazima lil insan bayna mukthir wa muqil. Tous les êtres humains ils font des péchés sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé min anbiya wa rusul wa illa on fait tous des péchés. Certains ils en font beaucoup, d'autres ils en font moins. Lakin on doit faire des efforts pour s'écarter et quand on a une faiblesse on demande pardon. Lakin isma walakin ana mudnib was salihun lahum ja'a 'inda Allah. أي vu que huwa il pense que il a beaucoup de péchés والصالحون لهم جاه عند الله ils ont un grand élevé عند الله فكيف كيف أطلب من الله بهم فاسمع la shubha au lieu de demander à Allah سبحانه وتعالى. الحقيقة la réponse elle est très simple. قوله ولكن أنا مذنب. مثلا si un mushrik il nous dit لكن أنا je fais des péchés, qu'est-ce qu'on va lui répondre نحن? On va lui dire demande pardon à Allah سبحانه وتعالى. الحقيقة يا aucun problème, tu as fait des erreurs, demande pardon à Allah سبحانه وتعالى, il te pardonne, انت هيل. لكن اسمع الشبهة واطلب من الله بهم. Je demande à Allah لكن par leur intermédiaire. Pourquoi cet intermédiaire? Pourquoi? لأنهم يقولون أنا je fais beaucoup de péchés et Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte ma demande, je vais passer par quelqu'un qu'il aime. C'est exactement ça, shirk. Et c'est exactement cette excuse qu'ils ont cité al-mushrikoun à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Et on a déjà cité plusieurs fois cet égarement à la base. Ils ont fait ressembler à Allah. Ils ont fait ressembler Allah à la créature. Qu'est-ce que c'est? بلا وصفة بنفسه ويقول الوصفة الواسطة الواسطة بينهم وبينه أحسنت. لماذا؟ لأنهم ils ont comparé الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض il possède tout عز وجل حقيقة ils ont comparé avec les rois في الدنيا. Un roi في الدنيا, si tu n'as pas un rang, tu n'as pas une connaissance, tu auras beaucoup de mal à faire ta demande. Ça peut être une demande très simple, mais peut-être qu'il ne t'écoutera pas. L'imada, l'annahu, il n'a pas le temps, il ne peut pas écouter tout le monde. Donc il faut un intermédiaire. Si tu as une connaissance qui est proche de ce responsable, que ce soit un roi, un président, un ministre ou autre, muhim, quelqu'un qui a une responsabilité, si tu as une connaissance, cette connaissance, elle fera parvenir ta demande. L'imada, l'anna, ce roi, cet être humain, il ne peut pas écouter tout le monde, il ne peut pas entendre tout le monde. Il n'aura jamais le temps. Ils ont fait cette comparaison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout, il sait tout, il voit tout, et il nous a ordonné de lui demander. Enfin, demandez. Enfin, cet intermédiaire qu'ils ont pris, c'est shirk. Qala rahimahullah, fa jawabu. La réponse. Bima taqaddam huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna bima dhakart. Hada taqaddam ma'an. أن السوك النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنباتو كذلك إذا أكسبت cette chose. C'est quoi cette chose? تفضل. أن الله هو الخالق هو الخالق الرازق المميت. أحسنت. أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره. كذلك إذا أكسبتي ما الدليل؟ أنهم إذا أكسبتي هذا كفار قريش عندما تفضل. Plusieurs versets في هذا تقدمت معنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. Ils diront Allah. Si tu leur demandes qui c'est qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Dans l'autre verset, qui c'est qui les a créés eux-mêmes, ils diront Allah. Donc pour l'instant, il n'y a aucune différence. Est-ce que cette hujja l'a accepté? Est-ce que cet argument l'a accepté? Alors, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala que c'est le créateur, donc je ne suis pas un mushrik. Abadan. Les shirk, ça peut être fait rububiya. Ayyadan billah, matalan wahid, il dit tel être humain, il peut créer, c'est du shirk dans rububiya. Et ça peut être du shirk fi al-ibad. Enfin, le haqiqa, haoula, ils n'ont pas différencié entre. توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه كما قال ان اوثانهم لا تدبر شيئا وانما ارادوا الجاه والشفاعه واقرا عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه كذلك ركنس ان سولي سيدي فلان سمو يركنس انه il peut pas créer, il peut pas donner الى اخره لكن هم يقول انه c'est un intermédiaire فقط. Vu qu'il est aimé indallah, on passe par lui. Qala rahimahullah, waqra alayhi ma dhakar allahu fi kitab. Mais on a des preuves, anna c'est exactement le même argument que kuffar Quraysh. Ma dalil? Tout ça taqaddam ma'ana. Ma dalil? Anna kuffar Quraysh disait exactement cela, comme ils disent al-mushrikoun à notre époque. Hein? Fadda. أحسنت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي on les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Enfin, leur objectif, leur but c'était de se rapprocher d'Allah. Malgré cela c'est des mouchriques kuffar. النبي صلى الله عليه وسلم les a combattus et ils sont jamais rentrés vers l'islam. La preuve, ils n'ont pas voulu dire la ilaha illallah. Donc cela jusqu'à ici, c'est la première chose. On ne lit pas Al-Matn entier. On lit la première choubha du matn, thumma on lit Sharh Cheikh Fawzan. Thumma on reviendra à la deuxième et on lira le Sharh. Amma lire trois et après revenir au Sharh, Rubama, ça va se mélanger pour certains. Et fait, l'haqiqa, si dans le Sharh ils auraient cité la première choubha, thumma le Sharh de Cheikh Fawzan, ça aurait été plus clair. Rubama, ils ont fait cela dans les éditions suivantes. À la kulli hal, on lit Kalam. العلامة الشيخ صالح الفوزان قال حفظه الله الشرح ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات للمشركين هي من أهم عندهم فإذا عرفت الإجابة الصحيحة عنها فما بعدها من الشبهات أيسر منها نعم دون ce passage شيخ الإسلام رحمه الله il a cité trois شبهات trois ambiguïtés on a lu la première et inshallah si on a le temps on fera la deuxième أما الآن on lit la réponse de cette ambiguïté, la première. قال الشيخ الفوزان الشبهة الأولى أنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est important. Cheikh l'Islam il n'a pas cité en ces termes, mais là chaque que ça implique هذا. أنهم يقرؤون en Allah سبحانه وتعالى يقرؤون prophète محمد عليه الصلاة والسلام. فما شك أنهم ils ont dit la shahada. Ils l'ont prononcé. Ça nous montre qu'elle a cette shahada azim. Elle a un sens. Et pour qu'elle soit acceptée, il faut mettre en application ce sens. C'est quoi le sens ? Indaman. Tfaddal. La ma'bouda bi haqqin illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, que ce soit un vivant, un mort, c'est bibatil. L'anna al-ibada bihaq, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui prononce, qui atteste, qui témoigne qu'Allah c'est le seul qui mérite d'être adoré, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit l'adorer seul. Wa illa, il prononce une chose, sans bah il se contredit. C'est comme si wahad il te dit je vais à la droite et il va à gauche. Son fi'l il dit je vais à la droite, son plutôt avec sa langue, il dit je vais à la droite et s'il fait des gestes, il va à gauche. Ah, dans la chaque qui se contredit. C'est exactement la même chose. Ils disent là, il a Allah. Il n'y a que Allah qui mérite l'adoration, sans moi ils adorent des morts. Allah tanfa. Cette kalima là tanfa, il l'a si elle est mise en application. Si elle est contredite bi shirkin ou bi naqid min nawaqid al-islam, Allah tanfa. Qala wa na'lamu. أي شيخ الفوزاني يرابط كلام هؤلاء المشركين ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني لكن هؤلاء لهم جاه عند الله فنطلب من الله بهم يعني نجعلهم وصائد بيننا وبين الله لما لهم من الفضل دونك إلى سيتي لا شبهك L'auteur, il a cité dans le même. Donc on résume, ils disent que ce mort, si on lui demande, c'est pas parce que c'est le créateur, ou parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, on croit en Allah, c'est le créateur, il a affaire. Lakin, vu qu'on a beaucoup de péchés, et on a des faiblesses, et ce wali, il est aimé indallah subhanahu wa ta'ala, on passe par le wali, comme ça, il demande pour nous. Si le wali, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui répondre. Et si eux, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas leur répondre. La haqiqa, cette chouba, elle est fondée sur deux péchés très très graves. Un tamthil, faire ressembler Allah à la créature, on l'a cité. Les rois, maintenant, fi dunya, pourra demander une chose. Tu dois avoir un intermédiaire en général. Ça, c'est la première chose. Ils se sont égarés par ce point. Deuxième chose, su'udhan billahi azzawajal. Une mauvaise pensée, une mauvaise opinion. Limada. Léanna, qui sait, al-haqiqa, qui leur a dit, an Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas leur répondre. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il répond qu'aux savants? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il répond que aux ubbad, salihoun? Et ceux qui font des péchés ou beaucoup de péchés, Allah, il ne leur répond pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à celui qui est sincère. Il répond aux musulmans. Ils ont pensé qu'Allah n'allait pas leur répondre. Ils ont décidé de demander à quelqu'un que Allah aime. Et ils se sont égarés. سهل جدا من كتاب الله بأن تقول وتستفيد من هذا أن si tu veux que العلم cette science du Coran et de la Sunna soit facilitée pour toi, fais des efforts sur le Coran ou sur la Sunna. لأن celui qui a des arguments من القرآن ومن السنة répondre à ces points c'est très simple. فلهذا قال الشيخ الفوزان سهل جدا لأن الشيخ الفوزان c'est un savant de l'islam. Il connaît le Coran, il connaît le Sunna, il connaît l'explication, il a akhret. Des années fait l'ilm et des efforts. Si tu veux un ta comprendre, fais des efforts fait l'ilm, ça sera très très simple. Pourquoi c'est compliqué l'un pour certains? Il y en a où ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les versets qui montrent que ce shirk c'est interdit. Ils ne connaissent pas les hadiths du prophète sallam qui mettent en garde contre ces ambiguïtés. Enfin, c'est pour ça que pour eux c'est énorme de répondre à ces choubas. « Qala inna al-mushrikin ma asnamihim » ما كانوا فيها يمكنوا يعتقدون انا جلي باس ما كانوا يعتقدون فيها انها تخلق وترزق وتنفع وتضر وانما اتخذوها وصائد بينهم وبين الله وهذا واضح في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض Subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Ta'ammalou ce verset, c'est exactement le même argument que al-mushrikoun à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont cité. Wa ya'budouna min dounillah. Awalan, ça montre que ce qu'ils font, cette demande qu'ils font aux morts, aux statues, à n'importe quelle créature, cette demande, c'est une ibad. Si cette créature, elle ne peut pas répondre, c'est une ibad. Wa ya'budouna min dounillah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ça montre que l'abd il est vaïf, il ne peut pas répondre, il ne peut pas donner, il ne peut pas faire du bien à lui-même. Comment il va faire du bien à un autre? Il ne peut pas repousser un mal qui le touche. Comment il va repousser un mal qui te touche toi? C'est ça leur chouva. Et c'est des intermédiaires. On leur demande pour qu'ils demandent à Allah. Enfin, est-ce qu'il y a une différence entre qawl al-mushrikin à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam et qawl al-mushrikin à l'époque de l'auteur et à notre époque, il n'y a aucune différence. La même shubha, on les prend comme intermédiaire. Qala, qul atunabbi'un Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fi al-ard. C'est ce point qu'on a cité ensemble, su'ubba. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ignore ce point qu'ils ont cité, anahum, il faut prendre un tel comme intermédiaire? Na'oudou billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Ça serait un bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander de prendre comme intermédiaire un tel et un tel. Enfin, si on n'a pas de dalil sur le Coran ou sur le Sunna, c'est que ce n'est pas légiféré. Ben, on a des preuves qui montrent que c'est du shirk. Qala subhanahu wa ta'ala amma yushriku. La fin du verset, comme on a vu ensemble dans le verset précédent, fiha al-hukm anna ce fi'l, le fait de prendre des intermédiaires, c'est du shirk. Et ça fait sortir de l'islam, ayyadun billah. Et celui qui fait cela et qui meurt à la hada, il a tout perdu. Sa salat, son hajj, son siyam, son bon comportement, yawm al-qiyamah, il ne trouvera rien. La balance, elle sera vide du côté des hassanat pour ce mushrik, ayyadun billah. Limada, li'anna Allah qala subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Nazzaha nafsa an hada shirk. Et dans l'autre verset, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Donc, ceux qui prennent des intermédiaires, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur pardonnera pas s'ils meurent à la hada shirk. Et il leur annulera toutes leurs œuvres. لَا إِنَّ شَرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Et ils rentreront jamais au paradis s'ils meurent à la hada shirk. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Allah, il a interdit le paradis pour cette catégorie. Ils rentreront jamais. بل, ils rentreront في النار عياذا بالله. En enfer, نسأل الله العافية. قال نزه نفسه عن فعلهم وسماه شركا مع انهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون انهم لا ينفعون ولا يضرون. Donc malgré cette excuse, malgré cet argument qu'ils ont cité, et on les prend comme intermédiaires, est-ce que Allah il a accepté cette excuse, cet argument? Pas du tout. Ben Allah subhanahu wa ta'ala قال سبحانه وتعالى عما يشركون. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré que ce qu'on c'est du shirk. Et le fait de prendre des intermédiaires, عياذا بالله, c'est ça le shirk. قال ويعتقدون انهم لا ينفعون ولا يضرون وانما قصدهم التعلق بالجاه فقط. C'était ça leur intention, leur objectif. أي de se servir de هذا الجاه. الجاه, on répète, c'est المنزلة. C'est un rang élevé. مثلا, ce mort, c'est un prophète. مثلا, ce mort, c'est un savant. مثلا, ce mort, c'était une personne pieuse. فهم, ils veulent se servir de هذا الجاه pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça. Ça nous montre un din, c'est pas bil'aql. Din Allah subhanahu wa ta'ala, tu adores pas Allah qu'avec la raison. Ma raison, elle m'a dit de. Pour que Allah il accepte mon invocation, je demande à un tel parce que Allah il aime. Si c'est un mort, yadam billah, c'est très grave, c'est du shirk. Ça nous montre qu'on doit se limiter au texte. قال فالآيات تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله وإنما اتخذوها وصائد ولا فرق بينكم وبينهم. تقدم معنا هذا, أي أن dans beaucoup de versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il a montré أن Kuffar Quraysh, al-Mushrikun, les associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, qu'ils reconnaissaient en Allah c'est le créateur. Ils reconnaissaient en leur statut, elle ne peut rien donner, elle ne peut rien enlever. Lakin pour eux c'était un intermédiaire. Faqat, hada al-Wathan, cette idole. Statut ou autre. Donc il n'y a aucune différence. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié les premiers Mushrikun, et à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, de Mushrikun, سبحانه وتعالى عما يشركون. Il n'y a aucune différence. Pourquoi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont été qualifiés de mushrikun et pourquoi à notre époque là? Pourquoi? C'est pas juste. C'est pour ça que l'ulama ils appliquent le même hukm. Celui qui fait cela c'est un mushrik. Et on va pas répéter à chaque fois le fait de dire qu'un tel minan nas s'il prononce shahada c'est un mushrik. On va pas répéter toujours anna hada. Il y a des chourouts, il y a des mawani', il faut revenir au savant. Il a akhri. Nous, dans ces douros, d'aïman, on parle min haith al-umum. Amma, telle personne, il a akhri, va hada. Al-insan, il se précipite pas à faire sortir les gens de l'islam. Khassatan, celui qui n'a pas d'ilm. Khassatan, celui qui n'a pas compris hada al-masa'il. Et s'il est confronté à hada, il demande au savant de l'islam. Fulan, il fait telle chose, il fait telle chose. Comment je dois faire? Comment je dois me comporter? Il a akhri. Qala. وإذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله؟ انظروا كلام أهل العلم كم il est simple وفيه نور. صحيح. Une question très simple. Si tu as beaucoup de péchés, pourquoi tu ne demandes pas pardon à Allah? C'est quoi qui t'empêche? مع أنه il reconnaît أن الله c'est le créateur. Il reconnaît أن الله il pardonne les péchés. المشرك هذا. Ah, celui bien sûr qui se dit musulman. Il reconnaît أن le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu avec le haq. Pourquoi tu ne demandes pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. L'imam, c'est quoi? C'est une maladie dans le cœur. Le shaitan il les a égarés. Qala wa tatlub min Allah wallahu jalla wa ala amraka bil istighfar wa'adaka bit tawba wa an yaqbal mink wa yaghfir dhunubak. La haqiqa c'est une ni'ma azima. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné qu'on fasse l'istighfar, qu'on demande pardon. كذلك nous a promis عز وجل de nous pardonner et d'accepter notre repentir et d'effacer tous nos péchés. فلماذا ne pas lui demander? Celui qui ne demande pas, il a de l'orgueil, il a du kibr, عياذا بالله, il s'est égaré et il pense qu'il y a une solution meilleure. مثل هؤلاء, on va demander à tel mort pour qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran al-Karim yaqul wastaghfirillah. Fata'ammal ce verset wastaghfirillah, c'est un amr. Tout le monde demande pardon. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Inna Allah kana ghafuran rahima. Amr. Pourquoi ne pas appliquer ce verset min surat al-Nisa? On dit à haoula. Est-ce que dans un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ordre de prendre un intermédiaire? اسمع الآية واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أي demande à Allah qu'il te pardonne. Dans le verset, en aucun cas c'était un intermédiaire. Donc dans ce cas-là, si tu es un mu'min et tu veux le khayr, lève les mains et fais du'a. Ou pendant ton sujoud, fais du'a. Ou pendant que tu marches, dis استغفر الله et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne et tu seras à la khayr. Et dans l'autre verset, قال الله جل وعلا من سورة التوبة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. فتأمل ce verset. ألم يعلموا Et est-ce qu'ils ne savent pas qu'Allah, huwa yaqbalu at-tawba, qu'Allah il accepte le repentir de son serviteur? Tu peux le répondre avec ce verset. Pourquoi demander à un intermédiaire? Pourquoi passer par un intermédiaire? قَالَ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا أَذْنَبْتَ فَذْهَبْ إِلَى قَبْرَ الْوَلِي الْفُلَانِ أَوْ الْعَبْدُ الصَّالِحَ الْفُلَانِ وَتَوَسَّلْ بِهِ وَاجْعَلْهُ وَاسِطَةً بَيْنِي وَبَيْنَكَ. صحيح. هذا qu'on a cité. أنا tu trouveras jamais un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, sahih, أن tu dois aller demander à un tel parmi les morts pour qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. قَالَ وَنَقُلْ أَيْضًا أو تقول أيضا أي pour lui répondre هؤلاء إذا كان لهم جاه عند الله فإن جاههم لهم وصلاحهم لهم وأنت ليس لك إلا عملك وصلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم ما علاقتك بعمل فلان وصلاح فلان. كلام جميل. شيخ الفوزاني rajoute une deuxième réponse pour compléter la réponse de l'auteur, rahmatullah alayhi, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Si on accepte un ce mort, مثلاً c'est un savant de l'islam, ou c'est مثلاً بعضهم يدمند au prophète عليه الصلاة والسلام. La chaque année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un jah, عظيم عند الله. كذلك les savants de l'islam ou les hommes pieux, ils ont un jah عند الله. Ils ont un rang élevé عند الله سبحانه وتعالى. Si on dit مثلاً que فلان il est mort à la خير il a après. Cheikh Al-Fawzan dit, nous ne rejetons pas ça. Parce que certains soufis, ou certains rawafid, ou certains mouchriquins, ils pensent que Ahl al-Sunnah, les mouahidoun, ils ne reconnaissent pas le rang et la valeur des hommes pieux. Ça, c'est bâtel. Là, on reconnaît ça. Mais comme a dit Cheikh Al-Fawzan, فَإِنَّ جَاهَهُمْ لَهُمْ. Mais ce rang élevé, ces œuvres qu'il a fait, c'est pour lui, ce n'est pas pour toi. Et ça peut lui être utile à lui, bi-idhnillahi azza wa jal. Amma ant. T'as aucun lien ou t'as aucune part dans ces œuvres pieuses. فَلِهَذَا قَالَ مَا عَلَاقَتُكَ بِعَمَلِ فُلَانِ. Et c'est quoi la alaqa? C'est quoi le lien que tu as avec ces œuvres? مثلاً il a fait le hajj. مثلاً un homme pieux il a fait le hajj, il est mort. Est-ce que nous on a une récompense? On n'a pas de récompense. C'est lui qui a fait le hajj pour lui, il sera récompensé. Toi si tu veux la récompense, fais le hajj. Ou si tu veux la récompense de quelqu'un qui fait le hajj, tu l'aides à faire le hajj, il a appelé. Amma, il meurt. Thumma, on se sert de son rang pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est incompréhensible. Dans les textes, avec le Coran ou le Sunnah, tu n'as pas de preuve. Et la raison qu'elle rejette, elle. Qala, kullun lahu amalu. Chacun sera rétribué par rapport à ses œuvres. Si c'est des bonnes œuvres, il sera récompensé en bien. Si c'est des mauvaises œuvres, il risque le châtiment. Si c'est du shirk et il meurt, il annule tout. Et il sera châtié forcément. Et il ira en enfer. Qala wa kullun lahu amalu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Le premier verset min surat al-Baqarah et le deuxième verset min surat Yas. Wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Et chacun sera rétribué par rapport à ses œuvres. On dure cette cheval, ils ont regardé les œuvres d'un tel. C'est un homme pieux, Allah il l'aime, il a fait beaucoup d'efforts. Enfin, je passe par lui pour demander. Là, c'est pas comme ça. Là, demande-toi. Si toi tu as des faiblesses, enfin, pourquoi tu ne deviendrais pas comme cet homme pieux? Matalan, cet homme pieux qui est mort, Matalan, Sidi Fulan, qui s'attend, Matalan, Aindahum, ils disent pourquoi c'est un homme pieux, Aindahum? Parce qu'il faisait beaucoup de siyah. Il jeûnait beaucoup le lundi, le jeudi, là. Il faisait qiyam l'ayl, il veillait la nuit en prière. Il aidait les pauvres. Il faisait des efforts dans l'apprentissage du Coran. C'est ça un homme pieux pour les gens. Et sahih, c'est ça un homme pieux. Alors on dit à Aoulay, pourquoi toi tu ne deviendrais pas un homme pieux? Pourquoi tu ne fais pas siyam? Pourquoi tu ne veilles pas la nuit? Pourquoi tu n'aides pas les gens? Hatta anta kadhalik, tu as un rang élevé عند الله, tu lui demandes. Aïna l'ishkal. Amma ils ont délaissé hada kulla et ils veulent se servir des œuvres de un tel. Iyadam billah. Qala. فجاههم وصلاحهم لهم ولا ينفعك إذا كنت مذنبا حتى والدك أقرب الناس إليك وولدك لا يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك. صحيح من ton père, ta mère, tes enfants, les gens les plus proches par rapport à toi, إما tes parents, إما tes enfants ou frères et sœurs. هؤلاء s'ils meurent, en aucun cas leurs œuvres, elles te seront utiles. Elles atteignent chacun ses œuvres. Hikmatullahi subhanahu wa ta'ala. Qala, il a cité plusieurs versets, naqrahum. Qala, walau kana min aslahin nas an yanfa'ak. يوم لا يملك نفس لنفس شيئا نعم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فتأمل ce verset يوم لا تملك نفس لنفس شيئا personne ne pourra être utile pour l'autre قال كل نفس بما كسبت رهينة أي chacun sera rétribué par rapport à ses œuvres pas par rapport aux œuvres d'un autre قال وخشوا يوما لا تجزي وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا le père il peut pas être utile pour son fils le fils il peut pas être utile pour son père chacun ses œuvres قال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه chacun fuira chacun pensera qu'à lui فلماذا se penser que les œuvres d'un tel, de cet homme pieux qui est mort, ses œuvres pourront être utiles pour nous. Aïe, son rang élevé, on va lui demander, il va demander à Allah. Min ayyad, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient des mouchriquins, ça vient des rêves, ça vient des légendes qu'ils ont inventées, des khurafats, de l'ignorance. Ama celui qui veut le haqq, le kitab wa sunnah, fais des efforts à Khilkarim. Même si tu as des péchés, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne ces péchés. Fais des efforts. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras. Tu verras que fid'a, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est jamais perdant. Sois sincère, faqad, même si tu as des manquements. Ben ces manquements, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne et qui te guide. Et fais des efforts pour te corriger. Allah demande à une créature, tu seras perdant. Si c'est un mort, yadam billah, c'est du shirk. Même un vivant, évite, même s'il est vivant, évite. Et on a demandé aux vivants, et on a déjà fait une kalima sur elle, on a demandé trop aux personnes, c'est une source de te faire humilier et de te faire rejeter. Ça demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf quand tu n'as plus le choix. C'est-à-dire qu'on avait fait une kalima ici, on précise, on peut faire des choses pour aider un mort. Min al-amal al-salih. Et on avait fait une kalima sur elle. Kadhalik, on fait dua pour lui. Mais idnillahi azza wa jal, ça lui sera utile. Kadhalik, s'il n'a pas fait le hajj, on fait le hajj pour lui. S'il avait un manquement dans le siyam, on rattrape les jours qu'il n'a pas fait. Et on avait détaillé hada. Elle m'a inversé et pensé que le mort, il peut être utile au vivant. Hada, ça contredit les textes et ça contredit la raison. Wallahu musta'an. Hadi, hiya ash-shubhatu al-oula. Et elle est très très importante, min hayth anna, si tu l'as comprise, c'est une base. Kadhalik la deuxième et la troisième. C'est trois ambiguïtés, celui qui les comprend. Et kadhalik qui comprend la réfutation de l'auteur et de Cheikh al-Bawzan, hawilahullahu ta'ala, al-haqiqa, tout le reste, ça sera imma une explication, imma des détails, imma des branches de hadd al-asl, de cette base. Révisez bien cette première shubha avec la réponse, avec l'adillah. Et celui qui veut comprendre, il doit apprendre les textes. Les Anna, tu peux comprendre la Shubha. Nahum, ils disent qu'Allah c'est le créateur, il a appelé, là qu'ils ont pris des intermédiaires. Là qu'ils, tu dois prouver que le fait de prendre un intermédiaire, c'est du shirk. Comment tu vas le prouver? Avec le Coran ou le Sunnah. Donne, Akhil Karim, de l'importance au texte et donne de l'importance au Hib. Et les frères, Wallahilham, qui ont appris Aqwa'id Arba' et qui ont appris Kitab al-Tawhid, Alhamdulillah, la plupart de ces versets ils sont cités dans ce mouton. Le prochain tars, inshallah ta'ala, on lira la deuxième shubha et l'explication. On passe à notre deuxième tars.